Legifis, bienvenue dans l'arène. Legifis, dans le domaine, j'excelle, texte peaufiné, indéniable, flow cru, prestation brute dans l'obscurité. Ma ligne directrice descend beaucoup plus sous la route à l'édifice avec des couplets beaucoup plus cool. J'suis un peu arrogant, j'rappe au second degré, texte millimétré de plein haut degré pour mes concurrents. Un flow sorti du nid, subtil, mon style s'affile, faut dire que ça paye, ils manquent tous de sexe à pile. Inconsolable, à l'écoute des lyrics imparables, les MC pleurent, les jeux font ta rêve en rêvant de hit parade. Tu veux tester mes rats, tu veux te mettre à faire. Un petit gaffard, t'as un trop vulnérable, une vas-y, check ta rate. Ailleurs tel que nos lueurs d'espoir finissent par s'allumer. La route est longue, l'armure gagnée du plomb, tant donc allumé. Dans tous les sens du terme fait par la guerre, le rap s'est fait fumer. Blasé par tous ces MC qui poussent la chansonnette. A vrai dire, on est les mêmes, mais ils donnent pas la chance aux mecs qu'ils méritent. Donc forcément, ça irrite. Et cet art tourne en règlement de compte. Salutations si tes idées ressemblent aux miennes. Dès lors, plus fort, faut qu'on revienne. Même si l'ennemi vient, nous défendrons. À chaque offre cassé par des putes qui vivent au frais de nos gars. On part pas trop de qui passe moi l'échelle pour remonter. Remonter contre ces quignols qui niquent cet art, pourtant j'suis pas trop ce soir défend mon titre, mon honneur, ma fierté. Je pénètre dans l'arène avec un flot de guerriers. Moi j'suis pas mieux qu'un autre, note bien dans ton cahier. J'suis au foyer, pas à ton nom, j'me vote pas dans la Cayenne. Et ça y est, j'suis fâché, trop de MC veulent clasher. Trop de talents cachés que j'arrive au cracher. J'en ai marre, j'suis à bout, donc j'enchaîne les tabacs. J'ai tabac dans la boue, mets ma batte dans ta bouche. Et pas touche, j'suis farouche, j'te pénètre dans la douche, j'te la mets dans la mouche, je te couche au premier round. Tu as peur, tu recules, je t'encule sans rancune. Au match number one, tant que tu l'auras dans le cul. Et nous voilà, nous tous on guette à vous sur le plancher. Il bat le cowboy, et Marie mon flow s'est déclenché. Avec ma bite dans la nalle, avance, avance, avance. Avale, avale, avale, mon bidon rempli d'essence. Aïe, aïe, aïe, la technique sort tout droit du Brésil. J'ai fait de la techno jusqu'à de vitesse au pressing. L'édifice acharne tout, l'édifice réclame le flou. L'édifice incarne partout dans sa cartoon. PD va, que si on regarde comme ça. C'est l'édifice sur le tempo, flow, Zinimir, ça. Et c'est comme ça dans la règle. Qui sera le meilleur, qui sera le vainqueur, qui sera le maître. Et je me place aisément, pose à la dure. Sans changer l'allure, vraiment je défends ma place d'ordure. Sombre et sale dans mes ardeurs, racaille dans les affaires. Crate-toi, t'as pas mon flair, retourne dans ton harem. Bienvenue dans mon arène, où la règle est simple. Que les plus mauvais quittent la scène, qui se laissent dresser comme des chiens venus. Froisse les commis, promets en place les commis paumés. Dans mon domaine, où ma place s'éternise. Révisez vos lyrics, les saints sont affranchis. Les lâches font attendu à chacune des sorties. Franchissez la ligne, tracas vos frimes, de fils de coquille. Le public est conquis par le mythe des figurines. Ouais. On arrête de l'aura, t'avises même pas de le salir. Les rappeurs deviennent stériles, j'entendais j'te nique à chaque rime. Dans un bouquet, occupé, y'a plus personne pour tendre la perche. Déboulé, en souliers, j'compte sur personne, j'allume la mèche. Dans le cul de la fourmilière avec un langage familier. Toutes mes pas sont meurtrières, d'année j'suis venu vous terrasser. J'porte mes couilles, j'fais des couilles, j'vise la coupe pour nos troupes. Ça me dégoûte car pour des groupes, trop de crews mettrais à jour. Un pièce à ma triste, trop d'MC sont versatiles. Soit disant ça braque ta tire, toujours du style même quand ça tire. À ce qui paraît, y'en aurait même qui miseraient tout sur le pareil. Pour les parrains, viens on parie que les trois quarts sont des tapettes. Hey, j'étais genre méchant, sur la reine c'est de Nissan. Maintenant faut faire la kiff, le Guzman Gans. Mais bien le X, en pendentif, y'a pas que les riches qui prennent du kiff. Attention, nouvelle sensation comme un drogué qui sniff. 10 coups sur la cloche et les 10 filles qui t'es sonné. C'est du vrai, c'est connu, les spectateurs sont étonnés. Dès l'arrivée c'est puissant, ça scintille dans tes pupilles. Le son c'est du pur sang, les vampires sont dans le public. Attends-toi à un attentat, en direct de la tribune. Sur le bitume, tu tribunes, faut habitué à l'altitude. Vite, faut que je me quitte, on court derrière moi pour le trône. Donc laisse la place aux frères, même eux protègent leur trône. Drogué, j't'enlève ton baguette, t'as bugué, j'raquette ta vague. Kiffe la voix et la bague, c'est pas une blague mais une claque. J'suis roi de la jingle, dans l'arène, chacun pour sa gueule. 2008, j'ai pas de gueule, ma voix c'est Desert Eagle. La bête est bien lâchée, fâchée, enragée. T'as puché, t'as pinché, Victoria siempre. Prêt pour la regret, des devs frais de la regard. C'est payé pour regard, quand j'rappe, bah tu te régales. Dans l'arène, pas de règle, j'ai le flow qui te dérègle. T'as un blème, j'te le règle, hardcore quand je m'intègre. Gros, brouille le thème, j'suis dans le time, ressens les matos. Bienvenue dans l'arène, la table ronde des 100 diplômes. Voici les derniers survivants dans l'arène.